Au nom d'Allah, le tout clément, le tout miséricordieux. Le fracas. Mais qu'est-ce donc que le fracas? Et qui te fera jamais savoir ce que c'est que le fracas? C'est le jour où les hommes seront-elles des papillons dispersés, où les montagnes seront comme de la laine démêlée en flocons. Quant à celui dont les œuvres seront lourdes à la balance, il aura une vie agréable. Et quant à celui dont les œuvres seront légères à la balance, sa destination sera l'abîme. Et qui te fera jamais savoir ce que c'est que l'abîme? Un feu très ardent.